musique, et sur cette étrange musique, les cigarettes se lèvent. Dans courbe basse, galet d'artrain, et les guitares forcenées, grincent sous des mains obstinées, même chanson, même refrain, même chanson. Sur le rythme de la chanson.